Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Dans la ville du Caire, en Égypte, se trouve le plus ancien marché du Moyen-Orient. Le bazar El Khalili. Dans l'une des mille et une rues de ce souk légendaire, se cache un café au mur recouvert de miroirs. Le fameux café El Fichaoui. Si tu y passes un jour, assieds-toi, commande un thé à la menthe et écoute. À travers le brouhaha de la ville, tu entendras sans doute quelques habitués plaisanter et dire: mes amis, en Égypte, deux choses sont immortelles: les pyramides et Oum Kalsoum. Oum Kalsoum. Le regard dissimulé derrière ses lunettes noires, les cheveux relevés en un magnifique chignon, sa voix d'or électrise. Que dis-je ? Elle émerveille et fascine. Chanteuse populaire, diva adorée de tous, elle ensorcelle son public. Oum Kalsoum chante l'amour, le divin, et porte en elle les rêves et les désirs de son peuple. Glorieuse et puissante, elle s'est battue toute sa vie pour sa liberté et celle de son pays, l'Égypte, alors dominée par l'Angleterre. Elle a enflammé le monde arabe. Voici l'odyssée de l'astre de l'Orient, de la divine, de l'immortelle, Oum Kalsoum. C'est un petit village, au nord de l'Égypte, entouré de déserts et de champs de coton. Nous sommes dans le delta du Nil, cette région blanche et verte, aride et fertile, où le fleuve se sépare en une centaine de bras qui se jettent dans la mer Méditerranée. Ce village s'appelle Tamay al-Zahira. Ici, tout le monde travaille la terre et tous les paysans sont pauvres. C'est là, en 1898, 1902, 4 ou 6, on ne sait pas exactement, que naît Oum Kalsoum. La légende raconte qu'elle serait arrivée dans notre monde durant la nuit du destin. Pour les musulmans, elle est très spéciale. C'est durant cette nuit, à la fin du Ramadan, que l'archange Gabriel aurait révélé à leur prophète Mahomet les versets du Coran. Ibrahim, son père, est l'imam de la mosquée du village. Pour arrondir ses fins de mois, qui sont souvent très maigres, il chante avec son fils, Khaled, des chants religieux dans les mariages. Ni vu ni connu, l'oreille grande ouverte, les yeux brillants, Oum grandit en les écoutant répéter. Une nuit, la petite entend ses parents chuchoter, allongés sur leurs nattes. Ibrahim, Oum doit apprendre à lire et à écrire. Elle ne passera pas sa vie à ramasser du coton. Et avec quel argent on va l'envoyer à l'école? Le peu qu'il nous reste, il faut l'utiliser pour l'éducation de son frère. Fatima ne lâche pas l'affaire. À 5 ans, Oum entre au Koutab, l'école coranique du village. Et elles ne sont pas nombreuses les filles dans sa classe, peut-être une ou deux, autrement ce ne sont que des garçons. Bon bah, faudra faire avec. Un matin, à la maison, c'est la panique. Son frère, malade, ne peut pas se produire à un mariage. La petite entame alors un chant sacré. Oh, cette voix! Oui, Ibrahim, elle est merveilleuse. Cette voix, puissante, céleste, oui, c'est comme si elle ouvrait l'infini à l'intérieur, comme si la vie devenait tout à coup mille fois plus intense. Oum s'est mise à chanter, et l'espace de quelques instants, sa voix a résonné du petit village de Tamay al-Zahira jusque dans le cœur de Dieu. Enfin, s'il existe! Oum se produit désormais avec son père et son frère. Les femmes n'ont pas le droit de réciter des chants religieux, alors son père l'habille en garçon. Enfile cette djellaba et enroule tes cheveux dans ce tissu. Parfait! Tu ressembles à un bédouin, ma fille. La petite, fais rapidement parler d'elle. On veut l'entendre partout dans la région. Oum n'a jamais quitté son village. La première fois qu'elle monte dans un train, elle ne comprend pas qu'il avance. Baba, Baba, la gare, elle recule. La famille voyage en troisième classe, mais descend toujours par le wagon de la première. C'est pour impressionner nos employeurs. Ça fait pro. N'oublie pas, hein, toujours soigner ses entrées. Il est temps de tenter sa chance dans la cour des grands. Bienvenue au Caire, la tête et le cœur de l'Égypte, la capitale du monde arabe, la mère du monde. La ville, immense, bouillonne jour et nuit. Oum Kalsoum, 16 ans. Oh, on prend plein les mirettes. J'y crois pas. Le soleil s'est couché il y a belle lurette et regardez toutes ces lumières. Le Caire est saupoudré d'étoiles électriques. Et là-haut, attention, le tramway. Ici se pressent des artistes venus de tous les pays arabes. Sur les scènes de théâtre, dans les cinémas, les salles de concert, les cafés, on réinvente l'art, la société, le monde. Le pays est en pleine renaissance. La culture arabe est aussi riche et puissante que la culture européenne. Nous devons arrêter d'obéir à l'Angleterre. Au Caire, il y a des riches, beaucoup de pauvres, des Égyptiens, des Français, des Grecs, des Italiens et des Anglais. Les Britanniques occupent l'Égypte depuis 1882. Officiellement, le pays, dirigé par un roi, est indépendant. Mais en réalité, les Anglais tirent les ficelles et s'en mettent plein les poches. Baba, qu'est-ce qu'il nous reste à nous, les Égyptiens ? Pas grand-chose. Mais c'est pourtant notre pays ? Je sais. Cela s'appelle la colonisation, ma fille. Toujours accompagné par les voix de son père et de son frère, sans musicien, Oum Kalsoum, vêtu de son habit de bédouin, donne ses premiers concerts payants. Le succès est là. La jeune prodige est un phénomène. Trois années passent. Le public carotte et non pas carotte. Extrêmement exigeant, commence, hélas, à se lasser. Sa voix est exceptionnelle, mais son style... Disons que... il fait un peu flop. Ses chants traditionnels austères, à la longue, ça fatigue. Et puis son accoutrement est vraiment tristoune. Elle disparaît derrière sa longue tunique. Faut qu'elle se mette à la page. Il faut changer, se réinventer, s'ouvrir. Mais comment ? Son père contrôle tout. Pourtant, c'est moi qui chante et fais vivre la famille. Bon allez, c'est terminé tout ça. Désormais, les recettes, ce sera 50-50. Une moitié pour moi, l'autre pour mon père. Je prends les commandes. À son arrivée au Caire, Oum Kalsoum a rencontré le célèbre poète Ahmed Rami. Il lui fait découvrir de grands auteurs, arabes et européens. Oum, tu sais, tu peux chanter autre chose que des chants traditionnels. Le poète, fou d'elle, lui écrit des chansons d'amour. Ces chants, aux paroles enivrantes, Oum Kalsoum décide de les interpréter. Pour l'accompagner, elle engage un tart, un orchestre typique de la musique arabe qui réunit les meilleurs musiciens du Caire. Ah, ça change des vocalises de son frère et de son père, hein ? Ça envoie du frisson ! En 1927, leur premier concert est un véritable triomphe. Une reine est née. Oum Kalsoum s'est métamorphosée. Elle porte désormais des robes raffinées, elle chante debout et sans voile. Sur scène, elle est surtout magnétique. Ses concerts ne ressemblent à aucun autre. Chaque chant est une improvisation d'une ou deux heures durant laquelle elle répète, comme une prière, certaines paroles sur des tons, des rythmes différents. Oum hypnotise son public qui entre en transe. Elle provoque ce qu'on appelle le tarab. Une extase, une ivresse, une sorte de communion intense entre la scène et la salle. La foule en délire, se presse pour la voir. Lorsqu'elle passe à la radio, tous les premiers jeudis du mois, le Caire cesse de s'agiter. Les rues se vident et dans le silence absolu, total, tout à coup, sa voix jaillit. En 1949, catastrophe, la diva est malade. Atteinte d'une tumeur à la gorge, elle doit se faire opérer aux États-Unis. L'Égypte retient son souffle. Le pays tout entier, à l'oreille collée au poste, impatient d'avoir des nouvelles. Nous interrompons notre programme pour vous informer que l'opération de notre diva a réussi. Oum Kalsoum est hors de danger. Youhouhou, youhou. La voix d'Oum atteint le cœur de tous les Égyptiens. De la rue aux salons les plus chics, riches et pauvres, toutes et tous se reconnaissent en elle. Fière de ses origines, toujours très pieuse, elle représente l'Égypte tout entière. Elle incarne le passé, le présent, le futur, la tradition et la modernité. Travailleuse infatigable, elle dirige sa carrière d'une main de fer. Avec ses maisons de disques, ses compositeurs, ses musiciens, c'est elle qui décide. En ces années où les femmes égyptiennes n'ont pas encore le droit de vote, eh ben, purée, ce n'est franchement pas rien. Il se trouve que certains Égyptiens, comme elle, veulent prendre le contrôle. Le pays suffoque sous les inégalités et les injustices. Il est temps que les Anglais quittent notre territoire pour de bon. L'indépendance totale de l'Égypte. Voilà ce qu'on veut. En 1952, un groupe révolutionnaire commandé, entre autres, par le colonel Gamal Abdel Nasser, renverse le roi Farouk. Une nouvelle ère commence. 4 ans plus tard, Nasser devient président de la République égyptienne. Il a de grands projets. Le colonel rêve d'une union de tous les peuples arabes. Comme l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie ont été colonisés par des puissances étrangères, dont la France pour une grande partie. Nasser veut célébrer l'indépendance et rendre leur fierté aux peuples arabes. Ce rêve devient aussi celui d'Oum Kalsoum. La diva admire le président et réciproquement. Oum soutient officiellement Nasser en mettant son art au service de la nation. Elle ne chante plus uniquement que des chants d'amour ou religieux, mais également des chants patriotiques. L'une de ses chansons devient même l'hymne national égyptien. Écoutée au Liban, en Syrie, au Maroc, en Algérie, elle n'est plus seulement la voix de l'Égypte, mais celle du monde arabe. Que dis-je ? Elle devient une icône arabe dans le monde. Oum Kalsoum soutient son pays dans toutes ses guerres. En 1967, elle entame une grande tournée pour soutenir les soldats. Elle donne des concerts à Tunis, Rabat, Tripoli, Khartoum, Abu Dhabi et Paris. On l'appelle l'astre de l'Orient, la 4e pyramide ou encore l'immortel. Oum Kalsoum a révolutionné la musique et bien plus. Elle a été la voix vibrante, l'âme puissante du peuple égyptien. Si tu te rends un jour au Caire, et si tu décides de boire un thé dans le sublime café El Fichaoui, tu entendras peut-être, à travers le brouhaha, quelques vieux habitués plaisanter et dire... Nous, les Égyptiens, on a pleuré 3 fois dans notre vie. À la mort de Nasser, à la mort de notre mère et celle d'Oum Kalsoum. Derrière cet épisode, il y a Fanny Leroy, Anne Niro, Alice Rouet, Éric Boisset, Cédric Diallo et moi, Laure Grand-Besançon. le Takt, l'orchestre typique de musique arabe qui accompagne Oum Kalsoum lors de ses concerts, se compose de merveilleux instruments. Il comprend un qanoun, un oud, un violon, un ney et un rik. Plus tard, Oum introduira également une guitare électrique. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.